Chapitre 38e. Mademoiselle de Beauménil, de retour du bal de Madame Herbault, resta seule et écrivit son journal. Dieu soit béni, chère maman. L'inspiration à laquelle j'ai cédé était bonne. Oh, dans cette soirée, quelle cruelle leçon d'abord, puis quel profitable enseignement, et enfin, quelle douce compensation. Deux personnes de cœur m'ont témoigné un intérêt vrai. Oh oui, cette fois bien vrai, bien désintéressé, car ces personnes-là, du moins, ignorent que je suis la plus riche héritière de France. Elles me croient pauvre, dans un état voisin de la misère, et puis surtout, elles ont été sincères envers moi. Je le sais, j'en suis certaine. Oui, elles ont été sincères. Jugez de mon bonheur. Je puis enfin avoir foi en quelqu'un, ma mère, moi qui suis arrivé à la défiance de tout et de tous, grâce aux adulations des gens qui m'entourent. Enfin, je crois savoir ce que je vaux, ce que je parais. Je suis loin d'être jolie. Je n'ai rien au monde qui puisse me faire remarquer. Je suis une de ces créatures qui doivent toujours passer inaperçues, à moins que quelque cœur compatissant ne soit touché de mon air naturellement doux et triste. Ce que je dois réellement inspirer, si j'inspire quelque chose, est cette sorte de tendre commisération que les âmes d'une délicatesse rare ressentent parfois à la vue d'un être inoffensif souffrant de quelque peine cachée. Si cette commisération me rapproche d'une de ces natures d'élite, ce qu'elle trouve et aime en moi, c'est une grande douceur de caractère, jointe à un besoin de réciproque sincérité. Voilà ce que je suis, rien de plus, rien de moins. Et quand je compare ces humbles avantages, les seuls que je possède, aux perfections inouïes, idéales, que la flatterie se plaît à m'accorder si magnifiquement, quand je pense à ces passions soudaines, irrésistibles, que j'ai inspirées à des gens qui ne m'ont jamais parlé, quand je pense enfin à l'effet que je produisais en entrant quelque part, et que je me rappelle qu'au bal de ce soir, je n'étais invité à danser que par charité, toutes les jeunes filles ayant été engagées de préférence à moi, car j'étais la plus laide de cette réunion, oh, ma mère, moi, qui n'ai jamais eu de haine pour personne, je le sens, je les hais autant que je les méprise, ces gens qui se sont joués de moi par leur basse flatterie. Je suis tout étonné des mots durs, amers, insolents, qui me viennent à l'esprit et dont j'espère un jour accabler ceux qui m'ont voulu tromper. Lorsqu'une épreuve à laquelle je veux les soumettre au grand bal de jeudi, chez Madame la Marquise de Mirecourt, m'aura complètement prouvé leur fausseté. Hélas, chère maman, qui m'eût dit il y a quelque temps que moi, si timide, je prendrais un jour de ces résolutions hardies. Mais la nécessité d'échapper à de grands malheurs donne du courage, de la volonté aux plus craintifs. Puis il me semble que de moment en moment, mon esprit, jusqu'alors fermé à tout ce qui était défiance, observation, je dirais presque intrigue et ruse, s'ouvre davantage à ces pensées, mauvaises sans doute, mais que l'abandon où je suis fait excuser peut-être. Je te l'ai dit, chère maman, la cruelle leçon que j'ai subie n'a pas été du moins sans compensation. D'abord, j'ai trouvé, j'en suis certaine, une amie généreuse et sincère. Me voyant délaissée, cette charmante jeune fille a eu pitié de mon humiliation. Elle est venue à moi. Elle s'est ingéniée à me consoler avec autant de bonté que de grâce. J'ai ressenti, je ressens pour elle, la plus tendre reconnaissance. Oh, si tu savais, chère maman, ce qu'il y a de nouveau, de doux, de délicieux pour moi, la plus riche héritière de France, jusqu'alors assaillie de tant de protestations menteuses, à chérir quelqu'un qui me croit malheureuse, et qui, pour cela sans, me témoigne le plus touchant intérêt, qui m'aime enfin pour moi-même. Que te dirais-je ? Être recherché, aimé à cause des infortunes que l'on vous suppose, combien cela est ineffable pour le cœur. Lorsque jusqu'alors on a été recherché, aimé en apparence seulement à cause des richesses que l'on vous sait. La sincère affection que j'ai trouvée cette fois m'est si précieuse qu'elle me donne l'espérance d'un heureux avenir. Désormais, sûr d'une amie éprouvée, que puis-je craindre ? Ah, cette amie, je n'aurais pas à trembler de l'avoir changée lorsqu'un jour je lui avouerai qui je suis. Ce que je te dis d'Herminie, elle s'appelle ainsi, peut s'appliquer aussi à Monsieur Olivier, que l'on croirait le frère de cette jeune fille par le cœur et par la loyauté. Voyant que personne ne m'invitait, c'est lui qui m'a engagé, par charité. Et telle est sa franchise, qu'il n'a pas nié cette compassion. Bien plus, lorsque j'ai eu la hardiesse de lui demander s'il me trouvait jolie, Il m'a répondu que non, mais que j'avais une physionomie qui intéressait par son expression de douceur et de bonté. Ces simples paroles m'ont fait un plaisir inouï. Je les sentais vraies, car elles se rapportaient à ce que tu me disais, bonne mère, lorsque tu me parlais de ma figure. Et ces paroles étaient bien à la pauvre petite brodeuse qu'elles s'adressaient, et non pas à la riche héritière. Monsieur Olivier est simple soldat, je crois. Il a dû cependant recevoir une éducation distinguée, car il s'exprime à merveille, et ses manières sont parfaites. De plus, il est aussi bon que brave. Il prend un soin filial de son vieil oncle, ancien officier de marine. Oh, ma mère, quelle vaillante nature que celle-là! Comme on est à l'aise auprès d'elle! Comme à leur sincérité le cœur s'épanouit! Comme ses relations semblent bonnes et saines à l'âme! Quelle gaieté douce et sereine dans la pauvreté! Quelle résignation dans le travail, car tous les deux sont pauvres, tous deux travaillent! Herminie pour vivre, Monsieur Olivier pour ajouter à l'insuffisante retraite de son vieil oncle. Travailler pour vivre. Et encore, Herminie me disait que quelquefois le travail manquait, car l'excellente sœur, oh je peux l'appeler ma sœur, m'a proposé de me recommander à une maison de broderie, afin, m'a-t-elle dit, que j'ignore ce qu'il y a de cruel dans le chômage d'occupation. Manquer de travail? Mais alors, mon Dieu, c'est manquer de pain, mais c'est le besoin. C'est la misère, c'est la maladie, c'est la mort, peut-être. Toutes ces jeunes filles que j'ai vues à cette réunion, si riantes, si gaies ce soir, et qui vivent, comme Herminie, uniquement de leur travail, peuvent donc souffrir demain de toutes les horreurs de la misère, si ce travail leur manque? Il n'y a donc personne à qui elles puissent dire « J'ai bon courage, bonne volonté, donnez-moi seulement de l'occupation. » Mais c'est injuste, mais c'est odieux cela. On est donc sans pitié les uns pour les autres. C'est donc égal qu'il y ait tant de personnes ignorant aujourd'hui si elles auront du pain demain. Oh, ma mère, ma mère! Maintenant je comprends ce vague sentiment de crainte, d'inquiétude, dont j'étais saisi, quand on m'apprit que j'étais si riche. J'avais donc raison de me dire avec une sorte de remords, tant d'argent à moi seul, pourquoi cela? Pourquoi tant à moi, rien aux autres? Cette fortune immense, comment l'ai-je gagnée? Hélas, je l'ai gagné seulement par ta mort, ô ma mère, par ta mort, ô mon père. Ainsi, pour que je sois si riche, il faut que j'aie perdu les êtres que je chérissais le plus au monde. Pour que je sois si riche, peut-être faut-il qu'il y ait des milliers de jeunes filles comme Herminie, toujours exposées à la détresse, joyeuses aujourd'hui, désespérées demain. Et quand elles ont perdu la seule richesse de leur âge, leur insouciance et leur gaieté, quand elles sont vieilles, quand ce n'est plus seulement le travail, mais les forces qui leur manquent, que deviennent-elles, ces infortunées? Oh, ma mère! Plus je songe à la disproportion effrayante entre mon sort et celui d'Herminie, ou de tant d'autres jeunes filles, plus je songe à toutes les ignominies qui m'assiègent, à tous les projets ténébreux dont je suis le but parce que je suis riche. Il me semble que la richesse laisse au cœur une amertume étrange. À cette heure où ma raison s'éveille et s'éclaire, il faut enfin que j'éprouve la toute-puissance de la fortune sur les âmes vénales. Il faut que je voie jusqu'à quel honteux abaissement je puis, moi, jeune fille de 16 ans, faire courber tout ce qui m'entoure. Oui, car mes yeux s'ouvrent maintenant. Je reconnais avec une gratitude profonde que la révélation de M. de Maillefort m'a seule mis sur la voie de ces idées que je sens, pour ainsi dire, éclore en moi de minute en minute. Je ne sais, mais il me semble, chère maman, que maintenant je t'exprime mieux ma pensée, que mon intelligence se développe, que mon esprit sort de son engourdissement, qu'en certaines parties enfin mon caractère se transforme, et que s'il reste tendrement sympathique à ce qui est généreux et sincère, il devient résolu, agressif, à l'égard de tout ce qui est faux, bas et cupide. Je ne me trompe pas. On m'a menti en me disant que M. de Maillefort était ton ennemi, chère et tendre mère. On a voulu me mettre en défiance contre ses conseils. C'est à dessein que l'on a favorisé mon fâcheux éloignement pour lui, éloignement causé par des calomnies dont j'ai été dupe. Non, jamais, jamais je n'oublierai que c'est aux révélations de M. de Maillefort que j'ai dû l'inspiration d'aller chez Mme Herbeau, dans cette modeste maison où j'ai puisé d'utiles enseignements, et où j'ai rencontré les deux seuls cœurs généreux et sincères que j'ai connus depuis que je vous ai perdu, ô mon père, ô ma mère. Le lendemain matin du jour où elle avait assisté au bal de Mme Herbeau, Mademoiselle de Beauménil sonna sa gouvernante un peu plus tôt que d'habitude. Madame l'aînée parut à l'instant et dit à Ernestine « Mademoiselle a passé une bonne nuit ?»« Excellente, ma chère l'aînée, mais dites-moi, avez-vous fait causer, ainsi que je vous en avais prié hier au soir, les gens de mon tuteur, afin de savoir si l'on avait quelques soupçons sur notre absence ?»« L'on ne se doute absolument de rien, mademoiselle. Madame la baronne a seulement envoyé ce matin de très bonne heure une de ses femmes pour savoir de vos nouvelles. Et vous avez répondu ?»« Que mademoiselle avait passé une meilleure nuit, quoique un peu agitée, mais que le calme absolu de la soirée d'hier avait fait beaucoup de bien à mademoiselle. » »« C'est à merveille. » Maintenant, ma chère l'aînée, j'ai autre chose à vous demander. Je suis aux ordres de mademoiselle. Seulement, je suis désolé de ce qui est arrivé hier soir chez madame Herbault, dit la gouvernante, d'un ton pénétré. J'étais au supplice pendant toute la soirée. Et que m'est-il donc arrivé chez madame Herbault? Comment? Mais on accueillit mademoiselle avec une indifférence, une froideur. Enfin, c'était une horreur, car mademoiselle est habituée à voir tout le monde s'empresser autour d'elle comme cela se doit. Ah, cela se doit. Dame, mademoiselle sait bien les égards que l'on doit à sa position, tandis que hier j'en étais mortifié, révolté. Ah, pensais-je à part moi, si l'on savait que cette jeune personne, à qui on ne fait pas seulement attention, est mademoiselle de Beauménil, il faudrait voir tout ce monde-là se mettre à plat ventre. Ma chère l'aînée, je veux d'abord vous tranquilliser sur ma soirée d'hier. J'en étais ravi, et tellement, que je compte aller au bal de dimanche. Comment? Mademoiselle veut encore? C'est décidé, j'irai. Maintenant autre chose. L'accueil même que l'on m'a fait chez madame Herbault, et qui vous scandalise si fort, est une preuve de la discrétion que j'attendais de vous. Je vous en remercie. Et si vous agissez toujours de la sorte, je vous le répète, votre fortune est assurée. Mademoiselle peut être certaine que ce n'est pas l'intérêt qui... Je sais ce que j'aurai à faire, mais ma chère l'aînée, ce n'est pas tout. Il faut que vous demandiez à madame Herbault l'adresse d'une des jeunes personnes que j'ai vues hier soir. Elle s'appelle Herminie et donne des leçons de musique. Je n'aurai pas besoin de m'adresser à madame Herbault pour cela, mademoiselle. Le maître d'hôtel de monsieur le baron sait cette adresse. Comment ? Dit Ernestine, très étonnée. Le maître d'hôtel sait l'adresse de mademoiselle Herminie ? Oui, mademoiselle, et justement, on causait d'elle à l'office il y a quelques jours. De mademoiselle Herminie ? Certainement, mademoiselle. À cause du billet de 500 francs qu'elle a rapporté à madame la baronne. Louis, le valet de chambre, a tout entendu à travers les portières du salon d'attente. Madame de la Rochegue connaît Herminie ? S'écria Ernestine, dont la surprise et la curiosité augmentaient à chaque parole de sa gouvernante. Et ce billet de 500 francs, qu'est-ce que cela signifie ? Cette honnête jeune fille. J'avais bien dit à mademoiselle que madame Herbault choisissait parfaitement sa société. Cette honnête jeune fille rapportait ses 500 francs parce qu'elle avait été, disait-elle, payée par madame la comtesse. Quelle comtesse? Mais la mère de mademoiselle. Ma mère paye Herminie, pourquoi? Ah mon Dieu, c'est juste. Mademoiselle l'ignore sans doute. On n'a pas dit cela, mademoiselle, de peur de l'attrister encore. Quoi? Que ne m'a-t-on pas dit? Au nom du ciel, parlez, parlez donc! Que feu, madame la comtesse avait tant souffert dans ces derniers moments, que les médecins, à bout de ressources, avait imaginé de conseiller à madame la comtesse d'essayer si la musique ne calmerait pas ses douleurs. Oh mon Dieu, je ne puis croire, achevez. Alors on a cherché une artiste, et c'était Herminie. Herminie? Oui, mademoiselle. Pendant les 10 ou 12 derniers jours de la maladie de madame la comtesse, mademoiselle Herminie a été faire de la musique chez elle. On dit que cela a beaucoup calmé, feu madame la comtesse, mais malheureusement il était trop tard. Pendant qu'Ernestine essuyait les larmes que lui arrachaient ces tristes détails, jusqu'alors inconnus d'elle, madame l'aînée continua. Il paraît qu'après la mort de madame la comtesse, madame la baronne, croyant que mademoiselle Herminie n'avait pas été payée, lui envoya 500 francs. Mais cette brave fille, comme je le disais tout à l'heure à mademoiselle, a rapporté l'argent, disant qu'on ne lui devait rien. Elle a vu ma mère mourante, elle a calmé ses souffrances, pensait Ernestine avec une émotion inexprimable. Ah, quand pourrais-je lui avouer que je suis la fille de cette femme qu'elle aimait sans doute? Car comment connaître ma mère sans l'aimer? Puis, tressaillant soudain à un souvenir récent, la jeune fille se dit encore « Mais je me rappelle maintenant. Hier, lorsque j'ai dit à Herminie que je m'appelais Ernestine, elle a paru frappée. Elle m'a dit, tout émue, qu'une personne qu'elle vénérait avait une fille qui s'appelait aussi Ernestine. Ma mère lui a donc parlé de moi. Et pour parler à Herminie avec cette confiance, ma mère l'aimait donc. J'ai donc raison de l'aimer aussi. C'est un devoir pour moi. Oh, ma tête se perd. Mon cœur déborde. C'est trop, mon Dieu. C'est trop de bonheur. Essuyant alors des larmes d'attendrissement, Ernestine dit à sa gouvernante, « Et cette adresse ?» Le maître d'hôtel était allé pour la savoir chez le notaire qui avait envoyé les 500 francs. On la lui a donnée et il a été la porter de la part de Madame la Baronne chez le marquis de Maillefort. « Monsieur de Maillefort connaît aussi Herminie ?»« Je ne saurais le dire à mademoiselle. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mois, le maître d'hôtel a porté l'adresse d'Herminie chez monsieur le marquis. « Cette adresse, ma chère l'aînée, cette adresse !» Au bout de quelques instants, la gouvernante rapporta l'adresse d'Herminie et Ernestine lui écrivit aussitôt. « Ma chère Herminie, vous m'avez invité à aller voir votre gentille petite chambre. J'irai après-demain, mardi matin, de très bonne heure. Bien certaine de ne pas vous déranger ainsi de vos occupations, je me fais une joie de vous revoir. J'ai 1000 choses à vous dire. Votre sincère amie qui vous embrasse, Ernestine. » Après avoir cacheté cette lettre, mademoiselle de Beauménil dit à sa gouvernante « Ma chère l'aînée, vous porterez vous-même cette lettre à la poste. »« Oui, mademoiselle. » Ernestine se dit. « Mais après demain matin, pour sortir seule avec madame l'aînée, comment faire ?»« Oh, je ne sais. Mais mon cœur me dit que je verrai Herminie. »